Cependant, comme pour les opiacés ou le GABA, il existe plusieurs sortes de récepteurs à la dopamine. le cerveau bien grand. Mais veux-tu la vous le répéter? La Terre tourne autour du Soleil. Yeah. Snepto, votre honneur, dans lequel on tient la tête de sa victime pour lui faire écouter des horreurs à haut volume. Un netto qui fonctionne avec l'aide d'une batterie. Comment ça s'appelle? Netto-batterie. Drôle d'invention, n'est-ce pas, Gnidignidin? On a discuté de tout ça, monsieur. Oui, je sais, descendons de la voiture. Quand on est prêt, on y va.